Dossier 4. Leçon 2. Activité 9. 1. Je trouve que c'est quand même mieux qu'à la radio. On a une synthèse de l'actualité, surtout en images. C'est vraiment plus vivant. 2. Moi, je supporte pas ce style d'émission. Voir ces gens qui se prennent pour des célébrités parce qu'ils passent un jour à la télé, c'est ridicule. 3. C'était super hier, le reportage sur les châteaux de la Loire. Il en faut des émissions comme ça. Ça change un peu du sport ou des films que tu regardes tout le temps. 4. Moi, je suis content d'être devant la télé ce soir. Ce que j'adore surtout, c'est l'ambiance du direct. C'est comme si j'étais sur place avec les supporters.